J'ai tellement de chansons au fond de mon cœur. J'aimerais que tu en chantes une dans ton lit à fleurs. J'ai tellement de chansons au fond de mon cœur. J'aimerais que tu en chantes une pour sécher tes pleurs. J'ai tellement de chansons au fond de mon cœur. C'est pour toi que je souris, juste pour ton bonheur. J'ai tellement de chansons à prendre dans ton cœur. Rien qu'une fois avec toi, je chante tes malheurs. Et je serai comme toi, et je sais que je ne pourrai plus rester sans toi. J'ai tellement de chansons au fond de mon cœur. Rien qu'une fois avec la main, j'ai touché ton cœur. J'ai tellement de chansons au fond de mon cœur que je n'aurai plus peur de toi ni de tes malheurs. J'ai tellement besoin de toi et je sais que plus jamais tu n'auras froid.